À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sun-gun par le dirigeant Kim Jong-il, le ministère des Forces armées populaires a organisé une séance de film le 22 pour le corps des attachés militaires en Corée. Y ont figuré les officiers de l'armée populaire de Corée. On a projeté le documentaire coréen « Notre patrie fière de ses armes Baek-tusan », montrant l'histoire de la révolution coréenne qui a été entreprise par la force des armes selon l'idée originale de Sun-gun et sous la direction des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et qui a progressé victorieusement aussi par la force des armes.